Afrique, secte et crime rituel, la source du pouvoir d'État? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Enfants kidnappés, albinos massacrés, cadavres mutilés, j'en passe. Pour s'attirer fortune et pouvoir, certains monnaient des cérémonies macabres au trafic d'organes. Un scandale qui, étrangement, refait surface chaque élection. C'est une litanie fortement déconseillée aux âmes sensibles. Un lent martyrologue dont les journaux du continent font leur miel, la chronique d'une barbarie ordinaire et terriblement actuelle. Le dimanche 25 mai 2014, quartier Mimouban, nous sommes là à Yaoundé, au Cameroun. Pour la troisième fois en deux décennies, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert gisant dans les broussailles, à quelques dizaines de mètres du terrain vague où il y a un an et demi, sept de ses sœurs d'infortune avaient été éventrées. Mercredi 14 mai, province de Simiyu, dans le nord de la Tanzanie, la même année, toujours en 2014. Pour la énième fois, la police procède à l'arrestation d'un couple de guérisseurs meurtriers d'une albinos dont ils avaient prélevé les jambes après l'avoir massacré à coups de hache. État de Benoué, nous sommes là au sud du Nigeria. Le même jour, deux adolescents rescapés par miracle racontent comment ils ont été enlevés sur le chemin de l'école et amenés dans une clairière où une dizaine de jeunes attachés l'un à l'autre attendaient d'être décapités sur l'ordre d'une vieille femme. D'ailleurs, du côté du Nigeria, là-bas, les enfants se vendent comme de bout de pain. Ibadan, troisième ville du Nigeria, le 22 mars. Une unité anti-gang donne l'assaut à une bâtisse abandonnée, férocement défendue par des miliciens armés de fusils, d'arcs et de machettes. À l'intérieur de ce que la presse appellera la maison de l'horreur, un cauchemar de squelettes, de corps découpés et 15 prisonniers enchaînés dans un état de malnutrition extrême. Makoku, chef-lieu de la province de Logoué-Ivindo, lieu de la haute concentration fétichiste dans le nord-ouest du Gabon. Eh bien, la police enquête sur le cas d'une douzaine de Camerounaises disparues sans laisser de traces. Toujours là-bas, à Port-Gentil, à Libreville, avant les élections, eh bien, c'est de l'argent avec du sang humain qui est versé parfois sur le sol, interdit de toucher, sinon c'est la mort. Eh bien, ici, comme ailleurs, de la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, du Togo au Kenya, des enfants handicapés, des adultes continuent d'être engloutis dans la spirale mortifère de la fascination pour les valeurs matérielles et les enjeux de pouvoir. Les crimes rituels et les trafics d'organes sont devenus un commerce transnational, attractif et florissant, où tout s'achète, où tout se vend en pièces détachées. Cœur, yeux, pénis, clitoris, cerveau, membres, cheveux, ongles, sang, langue, et j'en passe. Les organes les plus prisés, dont les plus chers, jusqu'à l'équivalent de plus de 2000 euros, voire trois fois plus lorsqu'il s'agit de rémunérer en outre l'assassin fournisseur, étant ceux des albinos, des métis, des pygmées, des jumeaux et de leurs parents. Dans un pays comme le Nigeria, à la pointe de l'innovation mercantile en ce domaine, plusieurs usines à bébés où des femmes venaient livrer contre rémunération leur progéniture à des fins de mise en pièces ont ainsi été démantelées de 2011 jusqu'à cette année, mesdames, messieurs, 2023. Personne ne se fait d'illusions. Ce n'était là que la partie émergée d'un iceberg de meurtres rituels. Et les meurtres rituels, mesdames, messieurs, sur le continent, il y en a. Partout, le niveau de fréquence de cette criminalité s'accroît brusquement à l'approche des échéances sociales et politiques, surtout par temps préélectoraux. Au Gabon, au Cameroun, dans les deux Congos, en Afrique de l'Est, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, jusqu'en Guinée-Bissau, la population vit alors dans un état de stress permanent. Reviennent le syndrome de la voiture aux vitres teintées, qui guette les gamins isolés à la sortie des écoles et la danse macabre des visiteurs nocturnes du cimetière à la recherche frénétique d'ossements humains. On évite les plages et les ruelles mal éclairées. la peur du vampirisme est omniprésent. Et vous me direz, tout cela pour le pouvoir, allez savoir. Afrique, secte et crime rituel, la source du pouvoir d'État, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banda Kenny. Il est notre invité ce matin. Et quand les autres disent précurseur, eh bien, allez savoir ce qu'on appelle précurseur du panafricanisme. Quand les autres laissent entendre tous les jours « je suis précurseur de ci ou de ça », eh bien, je vous dirai, mesdames, messieurs, en confession, nous n'étions que deux en 2011 et personne d'autre. Les Amarakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jocelyn Gauss. Il faut laisser les précurseurs mener la bataille des précurseurs. On ne va pas empêcher aux gens de s'autoproclamer précurseurs. Il ne faut pas entrer dans cette bataille-là, il faut les laisser. Je comprends que de temps en temps, il faille, on ne se voit obligé de temps en temps de rappeler certaines vérités. Mais vous savez, les précurseurs autoproclamés, ça ne dure pas. C'est pour ça que souvent, la meilleure arme à leur opposer, c'est un silence. Et les laisser s'empêtrer dans leurs propres contradictions. Vous savez, on est en train de voir comment le mouvement évolue. Hein. Et beaucoup de masques vont tomber au fur et à mesure. Il ne faut pas vous déranger. L'empreinte de la vérité est ineffaçable. L'empreinte de la vérité est ineffaçable. Ne vous dérangez pas pour ça. L'histoire saura réhabiliter les véritables précurseurs de ce combat, mais qui n'ont pas cessé, qui sont toujours en première ligne dans ce combat. Toujours. Voilà, toujours. Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer le technicien sans qui on ne peut rien faire et dont il ne faut pas susciter la colère. Parce que si c'est nerveux, il n'y a plus d'émission. Nous sommes obligés de lui faire allégeance. Dans le sens du il fera allégeance. Chaque fois qu'on l'a mis, on lui fera allégeance. Je salue tous ceux qui concourent de près ou de loin à la réussite de cette émission, à la bonne marche de notre chaîne, Africanist TV, qui a appelé un grand dessein, un grand dessein dans le monde médiatique. Vous savez, notre vocation aussi, entre autres, c'est de faire émerger les médias. Oui, totalement et entièrement. Nous l'avons toujours fait. On a fait émerger beaucoup. Hein. Beaucoup. Et là encore, il y a des précurseurs qui vont se mettre les précurseurs. Donc, okay, merci de m'avoir invité. Je salue tous les abonnés, tous ceux qui sont attachés à Panafricanist TV. Merci d'avoir pensé à moi, Jocelyn. Très heureux de vous avoir présent, Balekani. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous sur le plateau. Et le sujet qui nous intéresse, nous parlons justement du continent africain, secte et crime rituel. Une question, est-ce la source du pouvoir d'État sur le continent noir? Je pense que votre question est une de ces questions qu'on appelle question fondamentale, à laquelle quand on n'a pas répondu, on comprend rien au chaos qui est dans la société, on comprend rien au sens que prennent les événements dans le monde, on comprend rien aux hégémonies globales et à la limite eschatologique qui veulent s'imposer à nous. C'est très important votre question. Premièrement, on va liquider rapidement un petit contentieux au niveau de dénominations. Le mot secte, je comprends, vous l'utilisez de la façon familière. Oui. Tout le monde peut comprendre. Mais vous savez que dans le plan purement de la connaissance et de la science, c'est une acception extrêmement polémique. Et on a fait un débat ici là-dessus. Nous avons démontré que le mot secte a été lancé même dans l'arène à un moment donné. Au moins, il y a une réappropriation du mot secte, parce que le mot secte, c'est depuis l'Antiquité, c'est depuis les temps les plus anciens. Il y a une réappropriation de ce mot, pas de pouvoir et de puissance, pour cacher les véritables sectes. Et c'est ce dont vous parlez aujourd'hui. Exactement. Les véritables sectes, celles-là, diaboliques, dans lesquelles la mendication, le pouvoir, c'est le mot consacré. Nous voulons parler comme les sociologues, les anthropologues, la mendication du pouvoir est la base de l'existence de pareilles sectes. Alors vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de camps de fumée. Vous avez des sociétés dites philosophiques, qui en réalité sont des sociétés ésotériques, mais qui couvrent les dynamiques diaboliquement sectaires, Jocelyn Gauss, et qui gouvernent le monde, et qui se sont donné le pouvoir de vouloir de gouverner le monde. Bon. Le phénomène que vous soulevez n'est pas africain. Je comprends que vous voulez qu'on insiste sur l'Afrique. Il est mondial. C'est un phénomène mondial. Jocelyn Gauss, vous savez aujourd'hui que l'adénochrome n'est plus un secret. Du tout. On en a parlé sur ce plateau. Vous savez que nous sommes les complotistes. Oui. C'est vrai que nous avons, je vous ai tout à l'heure, je vous ai supplié de penser à faire une émission sur l'OMS. Exactement. Qui maintenant fait semblant de mettre fin à la pandémie. Elle veut récupérer quelque chose dont elle ne maîtrise ni les tenants, ni les abolissants. Nous savons que c'est la guerre en Ukraine qui a mis fin à la pandémie. Oui. Donc, ce qui veut dire que l'OMS est disqualifiée pour parler encore de la pandémie. Vous voyez comment, elle est dans une dynamique extrêmement extrêmement destructrice de l'humanité aujourd'hui. Elle fait comme si la pandémie avait été annoncée normalement pour finir normalement. Mais bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je rappelais ça simplement pour rappeler que au niveau mondial, il y a des dynamiques graves de manipulation de pouvoir, de crimes rituels de niveau global, dont aujourd'hui les métastases commencent à sortir. L'adénochrome est un exemple. Il n'est pas le seul. La pédophilie rituelle des enfants. On connaît. Donc, vous avez toutes ces choses qui sont pratiquées dans les super loges. Il y a des livres qui existent maintenant. Les livres sont écrits. Exactement. Super loge, c'est un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 mois. Il y a peut-être 6 mois. Oui. Où, à l'intérieur, on explique très bien ce qui se passe au niveau des loges. Des anciens membres des sociétés ésotériques, que ce soit la franc-maçonnerie, Roscoe et autres, n'est-ce pas, repentis, nous livrent beaucoup de secrets sur Internet, dans les réseaux sociaux, à face ouverte, à visage dévoilé, nous livrent beaucoup de secrets sur ces organisations-là. Loin de nous de dire que tous ceux qui appartiennent à ces ordres-là sont des satanistes, loin de nous de dire ça. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que la dimension de mendiquer le pouvoir et de pratiquer les crimes rituels, Jocelyn Gauss, cette dimension-là, ces organisations dites ésotérico-philosophiques ne peuvent pas s'extraire de ça. Peu importe le niveau où on commence, n'est-ce pas, à pratiquer ces crimes rituels. Donc, c'est un phénomène mondial. Évidemment, il est aussi africain. Et pour l'amener à atterrir, pour organiser un atterrissage de la question, Jocelyn Gauss, il faut d'abord comprendre l'enjeu du pouvoir d'État. Depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps, les sociétés organisées ont été confrontées, n'est-ce pas, Jocelyn Gauss, aux enjeux de la domination. Et l'enjeu de la domination s'est toujours confondu avec la volonté de comprendre les origines du monde. La nature est composée d'éléments qui de temps en temps se déclenchent et sont violents. Et ces éléments-là peuvent menacer même la vie de l'être humain. Exactement. Menacent la vie de l'être humain. Et depuis très longtemps, l'être humain a développé des savoirs, des connaissances qui lui permettent de gérer la nature, de la maîtriser dans une certaine dynamique, mais surtout d'expliquer le monde et à partir de cette explication, maîtriser le pouvoir. C'est-à-dire que dans une société où les intérêts divergent, l'enjeu du pouvoir, à savoir qui va parler au nom de tous, qui va commander, qui va occuper la première place, Jocelyn Gauss, n'a jamais été exempte de la réponse qu'on apporte à la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire la capacité à pacifier son environnement, de manière à y débarrasser toute forme de violence, pacifier le mouvement, son environnement, le territoire où on est, et instaurer la paix, c'est-à-dire dominer et maîtriser les éléments, les forces hostiles, n'est-ce pas, qui peuvent non seulement détruire la vie, mais c'est-à-dire que mettre en péril même l'existence de la communauté, peu importe le lieu où la communauté se situe. Donc, je me répète à dessein, il y a pouvoir lorsque la communauté, après avoir maîtrisé la question des origines, maîtrisé la question des relations entre l'homme et la nature, et les secrets de la nature, il y a pouvoir lorsqu'on peut maintenant organiser la société de manière à instaurer un ordre social. Et il n'y a pas d'ordre sans maîtrise des forces de la nature. Sans maîtriser les forces aussi de la nature. Alors, dans cette conquête-là, dans la conquête de cette connaissance, la maîtrise de cet enjeu, la communauté acquiert des savoirs. Des savoirs qui sont, dans un premier temps, marqués du sceau de la tradition. Et ça va être le privilège de quelques-uns, des initiés, de véritables initiés, des maîtres de la parole, mais aussi du geste. Et à partir de la parole et du geste, on commande à la nature. À partir de la parole et du geste, on jette un pont entre le ciel et la terre. On jette un pont entre le ciel et la terre et on explique la vie. On conduit la vie. On propage la vie. On fait la promotion de la vie au détriment de la mort, qui est le péril le plus grave. On peut soigner aussi les gens, je fais ça. On peut guérir des maladies graves. On peut faire la guerre. On peut devenir puissant dans la guerre. On peut apprendre à concentrer les forces. Et la concentration des forces, cet enjeu-là, va égarer un monsieur comme Temples, qui va réduire l'Afrique à la mendication de la force, l'accumulation de force. Il va réduire un peu l'Africain à ça. Que le seul verra en Temples, tout à fait, qui a élaboré la théorie de la force vitale pour caractériser l'Africain avec ça. Non, l'Afrique est plus que ça, c'est pas seulement ça. Je dis que les Africains ont dépassé ça pour construire la philosophie, les mathématiques, les sciences, la civilisation, la religion, la spiritualité. Donc, parlant de la spiritualité, vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau de spiritualité si vous n'avez pas réglé la question du pouvoir, c'est-à-dire des rapports de domination, non seulement entre les hommes, mais aussi entre le ciel et la terre. Et là, ça vous plonge dans le cosmos. Vous allez très loin dans le cosmos pour affronter des forces qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, ça demande une projection extraordinaire. Parce que on ne pérennise pas la vie sur Terre si on n'a pas des perspectives célestes suffisamment formalisées et maîtrisées qui permettent à une communauté de s'organiser et de se projeter dans le long terme. C'est comme ça que les générations vont se succéder, mais dans une chaîne de continuité. On va appeler ça la civilisation. Mais c'est plus que la civilisation, je tenais gosse. Parce qu'il n'y a pas de civilisation, justement, on n'a pas réglé la question du pouvoir. Donc, comme je l'ai dit, la vie sociale, la nécessité de se protéger, de garantir l'ordre, n'est-ce pas, nécessite donc un savoir initiatique, qui va être le privilège de quelques-uns. Mais il arrive que la société faisant, il y a rupture d'ordre dans la société. Et ce pouvoir-là peut tomber dans les mains, parlons comme ça, des personnes maléfiques. Ça nous pousse très loin, Justin Gosse. Là, je veux nous introduire dans les mythologies les plus lointaines. Dans les mythologies les plus lointaines, dans l'ontologie la plus lointaine, qui explique l'origine du monde et les forces qui structurent l'humanité, qui structurent le cosmos et dans leurs interactions avec l'être humain. On va aller loin. Et toutes les mythologies au monde ont dégagé l'affrontement entre deux forces, entre deux puissances, celle du bien et celle du mal. On essaie de schématiser. On dégageait ça. Et la société organisée a toujours été celle qui parie sur le bien au détriment du mal. Alors, il va donc arriver dans les sociétés, ça arrive dans le monde, ça arrive dans le cosmos. C'est la problématique du mal. Le mal. Alors, c'est arrivé dans le cosmos que, n'est-ce pas, il y a affrontement entre ces forces-là. Et il y a les conséquences sur la Terre. La conséquence sur Terre peut être que dans tel territoire, dans tel endroit, il y a une prédominance des forces du mal au détriment des forces du bien. Et les forces du mal vont s'organiser d'une certaine manière et l'organisation sociale, sociopolitique, va se manifester par un ensemble de pratiques. Des pratiques extrêmement condamnables. Par exemple, alors, les crimes rituels, les religions rituelles, les rites. À travers cet héritage de la société, on va voir à quelle société on a affaire. Des sociétés qui sacrifient des enfants à des dieux. Des sociétés qui ont des pratiques graves. C'est-à-dire que, pour stabiliser la société, il fallait procéder à des sacrifices rituels. Des choses comme ça. Des sociétés qui, dans leur rapport avec les autres, vont célébrer les valeurs guerrières. Les valeurs de guerre. C'est-à-dire que, bâtir les océans de sang et élever ça au niveau de la valeur suprême. Vous voyez, on peut identifier, on commence à faire des séparations, on identifie. Mais qu'est-ce que la société, cette civilisation, qu'est-ce qu'elle valorise? Comment est-ce que se manifeste, non seulement à l'intérieur, mais dans son rapport aux autres, je suis un gosse. Donc, je suis en train d'expliquer là, je vais un peu plus loin pour atterrir dans votre thème, au niveau de l'Afrique, on n'en est pas loin. Donc, tout ce développement nous amène dans une dimension, religieuse, dans une dimension mythologique, n'est-ce pas, qui pose la problématique de la guerre entre le bien et du mal. Alors, on peut partir depuis le premier homme, en passant par les premières sociétés, jusqu'à la constitution, n'est-ce pas, des fédérations de clans qui vont déboucher sur la tribu des tribus. On peut dépasser la tribu dans la nation, la nation dans des empires, n'est-ce pas, des empires qui vont se succéder jusqu'à cette globalisation. Vous allez voir qu'il y a une unité entre les premières structures les plus petites de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, et l'expression la plus élevée de l'organisation sociale, qui aujourd'hui est en train d'appeler la mondialisation ou la globalisation. Nous ne sommes pas à la première mondialisation dans l'histoire de l'humanité, peu importe, mais elle revient aujourd'hui sur la forme la plus sophistiquée. Donc, vous allez voir que le rapport entre la structure la plus petite de notre histoire et la structure la plus élevée de notre histoire, Jocelyn Gauss, c'est le rapport entre comment on maîtrise, comment on gère le rapport au mal, à ce qui est maléfique, à ce qui est destructeur, à ce qui est satanique. Vous allez voir. Et la civilisation consiste au départ à se démarquer, à chercher à faire l'effort, n'est-ce pas, de créer un ordre sociopolitique, n'est-ce pas, qui va, comme je l'ai dit, marginaliser le mal au profit du bien. Et à partir de là, on peut définir une civilisation. On peut la distinguer des autres, de Saint-Gos. Alors, aussi vieux que le monde est, aussi vieux s'est posé le problème de la source du pouvoir. Quand les sociétés ont commencé à grandir pour entrer dans les rapports de classe, de Saint-Gos, dans les rapports de classe, c'est-à-dire qu'il y avait une divergence fondamentale entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, cette question a émergé. Les connaissances accumulées en ce qui concerne le pouvoir, c'est-à-dire cette porte qui nous permet d'entrer dans le cosmos et à partir du cosmos revenir sur la terre pour organiser la vie, créer des lignées de sages qui vont nous conduire à des sages les plus élevés, c'est-à-dire de parler des maîtres du pouvoir, les vrais maîtres, parce que contrairement à ce qu'on pense, le pouvoir n'a pas toujours été comme il est aujourd'hui. Il y avait des sociétés où celui qui avait le pouvoir réel, le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel, n'avait pas le pouvoir temporel. Il était caché derrière le pouvoir temporel et l'inspirait, lui donnait des directives. Et il régnait par leur prestige spirituel, leur puissance spirituelle, leur bonté, leur beauté spirituelle. Il nourrissait et fécondait le pouvoir temporel. Alors, quand il y a des moments de désordre, il y a rupture. Vous voyez, il y a chaos dans la société et il y a un éclatement de cette unité et de la maîtrise qu'on a sous la source initiative du pouvoir. Alors, la guerre entre le bien et le mal va se traduire dans ce moment-là par le fait que la société peut tomber entre les mains de ceux qui mendiquent le pouvoir dans le sens maléfique ou bien dans les mains de ceux qui mendiquent le pouvoir dans le sens positif, parlons comme ça. Il y a très longtemps, Jocelyn Gauss, que l'humanité est tombée dans les mains des démons, des personnes, n'est-ce pas, qui pratiquent le crime rituel, qui ritualisent de manière criminelle la source initiatique du pouvoir. Il y a très très longtemps. Et l'héritier de cette perdition, c'est l'Occident. Qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas d'angéliser l'Afrique. Oui, non, on vous comprend parfaitement. L'Afrique a géré ça. Il faut le dire. L'une des raisons les plus cachées de la chute qui nous a frappés, ça aussi, à un moment donné, l'incohérence qu'il y a eu entre la dévolution du pouvoir et les valeurs, non seulement les valeurs, mais aussi la source initiative du pouvoir. C'est-à-dire, à la fin, les forces négatives, pour schématiser les choses, avaient pris le pas sur les forces positives. Une étude sérieuse des sociétés africaines vont traduire ça. Mais jamais en Afrique, on avait élevé le mal, élevé la déification du mal, sa sacralisation au niveau aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'Occident a, au niveau où l'Occident est arrivé. Je précise encore là-dessus que quand nous parlons d'Occident, il ne s'agit pas d'une race. Même comme la race blanche, on est obligé d'utiliser ce langage, domine la constellation qu'on appelle l'Occident, mais quand nous parlons de l'Occident, il s'agit de toutes les races. D'ailleurs, l'évolution du monde est en train de prouver que de manière fondamentale, c'est pas une affaire de race. Vous avez des Chinois qui travaillent contre la Chine, vous avez des Africains qui travaillent contre l'Afrique, vous avez des Indiens qui travaillent contre l'Inde, vous avez même en Europe, en Occident, parlons comme ça au niveau de la race blanche, vous avez plein d'espaces de personnes en Occident qui ne partagent pas ce qui se passe là. Et qui aujourd'hui se rendent compte que, mais en plus, ils sont les esclaves, qui n'auraient pas dû esclavagiser, qui n'auraient pas dû coloniser, qui n'auraient même pas dû néocoloniser, qui n'auraient même pas dû globaliser, car en fait, en dernière instance, mais c'est eux aujourd'hui qui sont les vrais, des vrais esclaves de l'humanité. Les peuples occidentaux le comprennent aujourd'hui. Forcément. L'expérience du Covid est en train de nous le prouver. Donc, Jocelyn Gauss, parlons comme ça. Depuis la chute de l'Égypte antique, pour prendre cette référence-là, la gestion initiatique du pouvoir, Jocelyn Gauss, a connu une accélération de sa perdition qui a fait qu'aujourd'hui, les connaissances initiatiques sont tombées dans les mains d'ordres. Des ordres, n'est-ce pas, qui ont su se cacher pendant très longtemps, ont revêtu des masques, mais qui, pour la plupart aujourd'hui, n'est-ce pas, opèrent dans des sociétés secrètes où, n'est-ce pas, on pratique le crime rituel, où on pratique, n'est-ce pas, la ritualisation du pouvoir pour conserver le pouvoir d'État, pour, comment dire ça, dominer les sociétés sur le plan politique. Donc, commençons par voir. Vous allez voir l'organisation des sectes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empire financier. Si vous prenez aujourd'hui l'organisation de ce qu'on appelle l'empire financier, c'est-à-dire les grandes familles qui exercent le contrôle sur l'argent dans le monde. Vous allez voir que ces familles-là ont un lien profond avec certains ordres ésotériques qu'ils ont unifiés dans ce qu'on appelle les super loges. Ce qui est grave, c'est que ces grandes familles-là contrôlent aussi les grandes religions, ont infiltré les grandes religions à des niveaux très élevés où ils refusent à placer au sommet des grandes religions, des personnes qui sont sous leur coupe. Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau que les pratiques rituelles de haut niveau sont faites pour le contrôle absolu non seulement de chaque être humain sur la terre, mais aussi le contrôle de toutes les sources de savoir initiatique, y compris les sources traditionnelles africaines. À un certain niveau même. Allez, je vous dis que l'infiltration est à un niveau où aujourd'hui, il faut faire attention à beaucoup de sociétés. Et des sociétés qui se présentent comme étant les garants de la pureté traditionnelle africaine. Vous faites très attention. Souvent, quand vous grattez derrière, vous allez trouver, n'est-ce pas, cette macro-organisation globale, comme je vous ai dit, qui maîtrise ce que j'appelle les sources initiatiques de la dévolution du pouvoir, de la domination. Ils dominent ça, mais ils savent bien se masquer, se cacher. Un pays comme le Cameroun, pour être plus concret, vous avez cité beaucoup de pays en Afrique, mais un pays comme le Cameroun a été le théâtre des crimes rituels qui ont commencé depuis les indépendances, même avant, et qui n'ont jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Le maître de Martinez Ogo, il a lu que ça a pris, est le dernier acte, mais c'est une très longue chaîne. Et ces crimes-là ont la particularité de ne jamais être élucidés. Si vous voulez les élucider, vous entrez dans la profondeur de l'État. Cette profondeur mystico-initiatique, ésotérique, où justement il est question de sacrifices de haut niveau. De sacrifices de haut niveau où la mendication du sang, de la chair, des organes vitaux sont la condition de l'accumulation de la puissance qui permet d'être le premier ou bien d'avoir accès au cercle fermé de l'élite. Dans ces ordres-là, dans ces endroits étranges, l'homosexualité se confond avec des orgies. Et aujourd'hui, les orgies se confondent avec des actes de prêtrise initiatique où on mélange le sang, n'est-ce pas, avec la chair et ça devient des repas initiatiques qui confèrent à ceux qui le mangent la puissance et le droit de parler en premier. On peut aller même plus loin. Vous avez des gens qui, dans les sociétés africaines, c'est pratiquement aujourd'hui en Afrique, la confusion entre l'homme et l'animal. C'est une dégradation du totémisme ancestral, de très haut niveau ancestral, qui se dégrade, n'est-ce pas, dans des pratiques d'accumulation de la puissance sur les formes les plus dégradés, les plus dépravés. Le but étant d'être puissant, d'acquérir de la richesse, mais aussi d'exercer le contrôle politique sur la société. Contrôle politique qui est inséparable d'un contrôle spirituel. Écoutez bien, la spiritualité libère. La vraie spiritualité vous remplit d'amour. La vraie spiritualité vous connecte à la source cosmique de la puissance. Et là, vous savez très bien que vous êtes dépendant de cette source dans le sens où on vous interdit de tuer, de voler, de verser le sang. On vous apprend à vous sacrifier pour les autres. On vous apprend que le premier est un serviteur, que le premier est un dernier. C'est même ça le vrai nom du pharaon, la signification du pharaon. Le pharaon est le serviteur, il est l'esclave de tous. Hein. Oui. Quand vous allez fouiller étymologiquement le mot pharaon, et c'est ce que ça signifie. C'est pas le fait du hasard. Le hasard. Quand la société égyptienne était encore au sommet de la lumière de sa conception, le pharaon était l'incarnation de l'arrière-fond de cette conception, n'est-ce pas, du rapport dans la société et de la construction de l'ordre social. Vous ne pouvez pas dire l'ordre socio-politique. Aujourd'hui, en Afrique, dans un pays comme le Cameroun, dans nos villages, dans nos sociétés tribales, on voit très bien, il y a une existence de ces gens-là. Ils dominent, n'est-ce pas, nos tribus, dominent nos États. Et on fait fédération au niveau étatique pour le contrôle politique des sociétés. Ce qui les unit, ce sont ces pratiques rituelles. Cette conception de la connaissance initiatique et du pouvoir initiatique, ils la partagent en commun, et ça se caractérise parce que tout à l'heure, je vous ai bien décrit la consommation du sang, des corps. On peut se confondre avec les animaux dans des pratiques mystico-initiatiques qui, comme je l'ai dit, n'ont plus pour sens, n'est-ce pas, la libération du continent africain, la promotion de la liberté, la promotion de vraies valeurs, la promotion de la mahat de Sénégos. C'est ça qu'il s'agit. En fait, c'est ça que vous parlez aujourd'hui. Alors, le drame qui s'est passé en Afrique, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit, quand on remonte très loin l'histoire de l'humanité, on remonte l'histoire de l'Afrique en prenant pour référent la chute de l'Égypte antique. Quand l'Égypte antique tombe, c'est pas sous les assauts des Hyksos, après les Grecs et les Romains vont venir. Quand l'Afrique, moi je veux dire ça, perd, à partir de la chute de l'Égypte antique, perd le sens de sa trajectoire civilisationnelle, je sais, on peut donc voir qu'un péril plus grave va nous frapper. L'esclavage, la colonisation. Quelles sont les forces qui sont au cœur de l'esclavage? Ce sont ces forces-là qui sont aujourd'hui au cœur de la mondialisation, qui sont au cœur de la globalisation et qui ont leur relais sur le continent africain. Vous savez que très bien, en accumulant la richesse et la puissance manifestée dans l'esclavage et la colonisation, ces gens ont acquis une domination globale, ont acquis une domination mondiale. C'est-à-dire que les secrets organisationnels de la vie sur Terre, et leur partage, et leur apanage. Ils l'ont volé, n'est-ce pas, à tout le travail que l'humanité a fait avant leur avènement, mais surtout, ils l'ont arraché, n'est-ce pas, à des cercles secrets qui, à un moment donné, n'est-ce pas, n'ont pas su conserver ces savoirs. Ils les ont arrachés à ces cercles-là. Aujourd'hui, ils sont assis dessus. Je vous l'ai dit, ont le monopole, n'est-ce pas, des connaissances initiatiques. Et à partir de là, contrôlent les religions et une bonne partie de nos traditions. Alors vous vous demandez, mais là, dans ce cas, la seule pouvoir d'État, c'est où? Mais à partir du moment où ils vous ont esclavagisé, ils vous ont colonisé, c'est la preuve que, à un moment donné, ils avaient la domination sur eux. Mais donc, ils vont donc, le pouvoir en Afrique désormais, le pouvoir au Cameroun, le pouvoir dans tous les pays du monde, est leur fille. C'est la fille de ces milieux-là, Jocelyn Goss. Donc, tous ceux qui dirigent, donc, doivent être leurs enfants, leurs fils aînés. Ça veut dire, doivent être moulés dans leur milieu, dans leur principe de base, dans leur cercle, Jocelyn Goss. Donc, on prépare des gens, et c'est pas seulement au niveau du pouvoir politique, au niveau des affaires, de l'économie, au niveau de la science, de la connaissance. Ils occupent tous ces endroits-là. Ils les maîtrisent. Et ils contrôlent la circulation des connaissances. Les connaissances laïques, les connaissances laïcisées, ou bien sécularisées, mais les connaissances aussi spirituelles, les connaissances initiatiques, les connaissances mythologiques. Ils maîtrisent tout ça, ils contrôlent tout ça, et ils produisent l'élite mondiale, Justin Goss. Ils produisent l'élite mondiale. Et comme ils produisent l'élite mondiale, ils produisent nos élites africaines pour la plupart. Et ils produisent l'essentiel des élites camerounaises. Dans un rapport d'Ando Colon, c'est-à-dire leur relais au niveau local, au niveau continental, au niveau régional, au niveau mondial, ils coiffent. Les scandales qui sont liés aujourd'hui à la pédocriminalité, à la pédophilie rituelle, je sais pas, la délicatesse de quel aspect. Le monde est fait semblant de ne pas voir, de ne pas connaître, n'est-ce pas, à propos de la disparition des millions d'enfants. Mais on commence à s'en approcher. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Aujourd'hui, le scandale de la famille Biden, aujourd'hui, c'est très bon d'aller embêter Donald Trump dans des faux procès bidons qui n'ont pas de sens, mais où est le silence qu'il y a sur la famille Biden? Oui. Dont le fils a été attrapé, dont l'ordinateur du fils a été attrapé, et qui, cet ordinateur-là, expose beaucoup de choses. Vous connaissez? Beaucoup de choses. Donc, l'affaire Podesta, Justin Ingos, on peut citer comme ça les scandales, mais qui sont étouffés aux États-Unis, madame, qui sont étouffés aux États-Unis, pourquoi? L'affaire Epstein. Qui un matin, on nous a dit un matin que non, il s'est suicidé dans sa cellule. Et quand on fouille les caméras qui étaient censées le gérer sa situation, elles ont disparu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul cas. Il y a des cas comme ça, plein dans les pays occidentaux. Hein? C'est-à-dire que le scandale des pédophiles, des hommes politiques anglais, ils sont près de 1500. Mais qui a étouffé, Justin Gauss? En France, c'est grave. En France, c'est grave. Alors, on vous livre des petits gens comme l'ancien vedette de TF1, là. Comment l'appelle non, du journalisme là. Parti Poivre d'Avor. On me livre les gens comme ça, mais les vraies choses encore sont fermées. Donc, pour revenir donc à l'Afrique, une fois que ces gens nous ont esclavagisés et ont pris pied sur le continent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné ces connaissances initiatiques et ont commencé à fabriquer un type d'individu qui va les servir. Ils ont commencé à fabriquer des élites qui seront à leur entier service. Et l'une des conditions pour être leur élite, il faut être un homme fort. Qu'est-ce qu'un homme fort? C'est un homme qui tue à sang-froid, qui peut boire le sang sans état d'âme, qui peut sacrifier des centaines manger la chair humaine, violer des enfants, faire des pratiques contre nature dans le but de conserver le pouvoir, ou bien d'accéder au pouvoir. Ce sont les hommes forts. Vous regardez aujourd'hui l'Afrique, il y a beaucoup d'hommes forts. Pas seulement en politique, dans les milieux économiques, dans les milieux d'affaires, dans les milieux universitaires, dans le football, dans la musique, Justin Ingos. Je prends un exemple pour être clair. Il n'est pas le seul en Côte d'Ivoire. Je prends ça comme cas d'école. Il n'est pas le seul. Monsieur Ouattara, qui est vivant là, en était certainement son parrain. Mais c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Même au Cameroun. Parce qu'on va tellement dire qu'on parle à Côte d'Ivoire. Même au Cameroun. Vous prenez, quelle est la relation qui lie certains musiciens à certains hommes forts? Prenons le cas de Monsieur Bakayoko. Père à son nom. Quelle était la relation fondamentale que le lien aux musiciens, puisqu'il était le philanthrope des musiciens. Vous voulez pas observer un jour dans le monde? Tous les philanthropes sont toujours des initiés. Tous les grands philanthropes, ils appartiennent toujours à des ordres initiatiques de ce type-là. Dépravés. Où on ne joue pas avec la violence, le rapport de violence qui doit lier l'homme fort au pouvoir. Et qui se traduit, mon cher Justin Ingos, comme je vous ai dit, par la maîtrise du sang, de la chair, le contrôle sur des pratiques interdites, violer les tabous. C'est pas tout le monde qui viole les tabous, vous le savez. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à violer les tabous. C'est vrai que dans les traditions africaines, le tabou est sacré. Parce que le prêtre, ou bien le sage qui gère les tabous, il est pur. Il est puissant, mais il n'exerce pas sa puissance. Il est celui qui concentre la puissance pour que celle-ci ne soit pas exercée de manière négative dans la communauté. Et il est l'incarnation de la morale. Il est l'incarnation de la vérité. Il est l'incarnation de la beauté, de la bonté et de la vérité. C'est un Dieu personnifié, Justin Ingos. Vous avez vu, observez bien notre histoire. Ces sages ont disparu. Certains se sont retirés. Mais ils ont beaucoup disparu. Ils ont été remplacés par qui? Quand les démons sont arrivés, quand les méchants ont pris le contrôle de la chose, depuis très longtemps, et avant l'avènement de l'esclavage, jusqu'à l'esclavage, regardez aujourd'hui, ces portes spirituelles, ces écoles spirituelles, ces écoles initiatiques, elles sont sous la coupe de qui? Des méchants. Des méchants. Alors, le mot est trop générique. Des méchants qui prennent la forme d'esclavagistes et leurs complices en interne, de colonialistes et leurs complices en interne, des néocolonialistes, des mondialistes et des globalisateurs. Mais Justin Ingos, qui, ça marche ou quoi? Parce que comme je vous ai dit, ils produisent l'élite nécessaire à la reproduction sociopolitique de leur projet. Cette élite-là, je le répète, sont des hommes forts. C'est-à-dire qui ont mendiqué le pouvoir. Mendiqué le pouvoir veut dire devenir comme Satan. Devenir un monsieur imperturbable, sans état d'âme, qui, pour des objectifs précis qu'on l'assigne, peut massacrer tout le monde, peut créer des guerres, pour accéder au pouvoir, mais en fait être un paravent des puissances dont il sert de masse. Regardez M. Macron en France. Voilà un monsieur qui vous dit qu'il est plus intelligent que tous les Français. C'est-à-dire que la France brûle, son projet passe. Vous voyez comment il n'a aucune sensibilité humaine. Il est froid. Et à quel âge? Son cas est partant parce que à quel âge? Ce monsieur-là, c'est à 40 ans qu'il prend le pouvoir, non? Hein? Vous voyez? Il a dit que voilà le jeune. C'est pas un hasard. Mais on connaît l'histoire de monsieur Macron. On connaît qui sont ses parrains, les Rothschild. On connaît qui sont les Rothschild. J'ai déjà eu à dire plus que c'est la famille la plus maléfique, l'une des familles les plus maléfiques de cette terre. Les Rothschild. On sait, ce sont les parrains de monsieur Macron. Il est leur propriété privée. Donc, vous voyez? Pourquoi on se parle abstrait? C'est comme ça. Vous prenez Joe Biden. Vous prenez Ursula von der Leyen. Vous prenez Trudeau. Vous prenez tous ces dirigeants européens. Vous prenez leurs relais africains. Regardez nos dirigeants, ils appartiennent à quoi? Quand vous regardez des dirigeants, quand vous voyez les réunions d'une certaine organisation ésotérique, vous connaissez pas comment faire de la fixation. Mais tout le monde comprend de laquelle je parle. Ces réunions sont sur Internet. Nos dirigeants, ils mettent des habits religieux, des habits initiatiques, c'est pas, ils vont dans ces endroits-là, ils signent des pactes et ils prêtent serment que l'intérêt de leur société initiatique passe avant ceux de leur pays. De leur pays. Mais quand vous regardez de leur pratique du pouvoir, est-ce que vous êtes surpris? Non. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Merci. Quand vous voyez les pratiques des élites qu'eux-mêmes génèrent. Vous savez qu'au Cameroun, il y a un monsieur qui a dit qu'il est la créature du président Biya. Donc, ça veut dire que, donc, quand je parle de ça, c'est dans ce sens-là, que les présidents, eux aussi, génèrent une sous-élite à leur sein, mais tout dans le cadre organisé de cette confrérie mondiale qui est dans un projet de vouloir contrôler le monde entier. Regardez leur pratique du pouvoir, regardez leur rapport à l'argent. Regardez les gestes, les réunions dans lesquelles ils participent. Regardez leur fraternité au niveau mondial. Et vous aurez tout compris, Jocelyn Gauss. Donc, les crimes, malheureusement, en Afrique pour l'instant, mais c'est en train de changer. Faut pas être pessimiste, c'est en train de changer. L'ordre, cet ordre-là est en train de se renverser. Mais pour l'instant, au niveau politique, la domination encore de ceux qui ont pour source de leur pouvoir d'État ces cercles obscurs, leur domination est encore de manière provisoire patente sur le continent. Merci à vous, président Barakani, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. J'insiste encore, vous n'avez qu'à liker encore et encore, voyez le pouce, liker, partager au plus grand nombre, et ainsi, Panafricaniste TV sera connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.